troisième temps de notre série sur l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Aujourd'hui, une balade dans Prague médiévale et néo-médiévale. Mardi, nous vous avons entretenu dans le premier volet de cette série des résurgences du passé dans les sociétés polonaises et hongroises contemporaines. Ce matin, c'est du passé pragois et de celui de la Bohème dont il sera question dans cette émission qui a été rendue possible, comme toutes les autres, par le soutien de l'Institut français, du Centre français de recherche en sciences sociales, le CEFRES, à Prague, et de sa directrice Clara Royer. Nous allons en effet nous promener dans Prague à la recherche de son passé médiéval, mais aussi des résurgences néo-médiévales du 19e et du début du 20e siècle, en compagnie de l'historienne Héloïse Had et de l'historienne de l'art Adelina Klinerova. Mais nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, un nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, préparé par Séverine Yatar. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. J'ai 43 ans. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'entreprise privée, où je me suis épanoui. J'ai pris beaucoup de plaisir, notamment dans les métiers de la vente, dans le B2B, dans l'énergie. Et puis, je souhaitais évoluer dans mon entreprise, et je n'avais pas d'opportunité extraordinaire. Et puis surtout, je n'avais pas cette motivation pour changer de job. Et donc, de proche en proche, de discussion en discussion, avec des amis, je me suis réveillé un matin en me disant « Mais en fait, j'ai envie d'être prof d'histoire géo. » Pierre Van Bromerch. Alors, c'est une passion ancienne, et l'histoire géo, et l'enseignement. J'aime beaucoup fréquenter et transmettre aux jeunes. Voilà, donc là, je suis depuis 3 mois étudiant, avec des gens qui ont à peu près la moitié de mon âge pour la plupart, pour préparer les concours d'enseignement du CAPES et de la GREG. Et donc, pour cela, notamment en Master 1, donc avant les concours, on a 2 stages de 15 jours au lycée, puis au collège. Donc j'avais la chance d'être dans un lycée à Versailles, au lycée Marie Curie de Versailles, qui est un lycée, on va dire, sans difficulté, où pendant 15 jours, j'ai pu me confronter au métier de professeur. Alors, c'est un stage dit d'observation, mais ce stage d'observation devient très vite un stage de pratique, puisqu'on apprend qu'en faisant. Donc, j'ai donné 7 heures de cours à des élèves de terminale ES au lycée Marie Curie. Alors, il y a eu 2 enseignements. D'abord, que j'avais beaucoup de choses à apprendre sur le métier de professeur. Et l'autre chose, titre personnel, c'est que ça me plaisait beaucoup d'être en face des élèves. Alors, c'était sur un thème qui s'appelle « Médias, opinion publique et pouvoir à travers les crises à partir de l'affaire Dreyfus ». Donc, c'est extrêmement utile d'un point de vue civique, puisque c'est aujourd'hui, depuis toujours au cœur de l'actualité, et de la démarche civique et citoyenne. Mais il faut faire une démarche historique, c'est-à-dire regarder les sources, les documents, ce qui s'est passé, essayer de comprendre les mécanismes qui ont fait que les acteurs se sont comportés de telle ou telle façon, comment ils se sont influencés mutuellement. Alors, la politique actuelle est de tenter autant que possible de ne pas faire de cours magistral et d'interagir avec les élèves. On parle de co-construction des savoirs. Donc, la préparation du cours, il y a plusieurs étapes. Quel est l'objectif du cours ? Pédagogique, didactique. Quels sont les éléments scientifiques qu'on va transmettre ? Et puis surtout, comment ? Ça, c'est la pédagogie, on va le faire. Et pour ça, on a les mises en activité des élèves. Alors, ça peut être effectivement des petits travaux en groupe, des commentaires de documents. On essaie même de varier les supports. Alors là, sur cette période, on a de la coupure de presse, de la caricature, du discours. Un discours de Pétain ou de Gaulle, c'est très interactif. On a également quelques actualités télé. Alors évidemment, le professeur, il est là pour valider que ce qu'ils indiquent, ce qu'ils proposent, est conforme à ce qui s'est vraiment passé. C'est ça le métier du professeur. Et juste peut-être dernière question. L'histoire, parce que alors l'histoire, il y a des enjeux aussi sur l'histoire et l'enseignement de l'histoire en particulier. Et puis on entend souvent justement les politiques faire usage de justement cette problématique de l'enseignement de l'histoire. Alors est-ce que vous, c'est aussi une réflexion qui vous a incité peut-être à devenir enseignant? Sur tout ce qui est historiographie et enseignement de l'histoire, c'est une matière que je découvre, donc j'ai pas des opinions très avancées là-dessus. En revanche, l'enseignement de l'histoire, comme vous dites, c'est un enjeu politique à peu près chaque campagne. C'est assez simple. Les mathématiques, beaucoup moins, hein, pour le coup. J'avais le choix d'ailleurs entre mathématiques et histoire, puisque je suis ingénieur de formation et j'aimais bien ça. Mais j'ai préféré l'histoire, car ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est qu'elle ne donne accès à aucun job en tant que tel. À part prof d'histoire, mais non, ça n'a aucun sens, on ne fait pas d'histoire pour devenir prof d'histoire, elle participe à la construction du citoyen. Alors ça peut être un peu grandiloquent comme propos, mais aujourd'hui, si on veut que demain nos jeunes, qui sont des adultes en devenir, hein, voire même des citoyens en devenir, puissent vivre pleinement dans la cité, il faut leur expliquer pourquoi on en est là, ça c'est l'histoire, et quelles sont les tendances qui se dessinent, ça c'est plus la géographie. Donc s'ils peuvent comprendre le monde dans lequel ils vivent et pourquoi les problématiques, c'est-à-dire que c'est toujours des histoires de curseurs à positionner entre deux extrêmes, se posent, on aura déjà fait un grand travail, et les profs d'histoire peuvent jouer un modeste rôle dans ce processus d'éducation ouverte des masses. Voilà donc pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire, conçu par Séverine Niattard et réalisé par Thomas Duterre. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de France Culture, séparément de l'émission du jour. Tandis qu'arrive dans le quartier de Malastrana un groupe de jeunes très nombreux dans cette période hivernale à visiter la ville de Prague, nous sommes devant l'ambassade de France en compagnie de deux historiennes, Héloïse Had, qui est historienne médiéviste, qui enseigne à l'Université du Luxembourg et qui a longtemps travaillé ici même à Prague. Elle a travaillé au CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales ici à Prague. Et Adela Klinerova, bonjour, vous êtes doctorante en histoire de l'art au CEFRES et à l'Université Charles, ici même à Prague. Héloïse Had, pourquoi cette ville médiévale est-elle importante dans cette région qui était la Bohème au Moyen-Âge? Elle tire sa richesse de quelles ressources? Alors, en termes de ressources, la Bohème était un duché puis un royaume très puissant qui a été aussi au cœur de l'Empire, hein, donc qui était vraiment sur le plan du pouvoir un état très important. Et en plus, le pays disposait de richesses, les mines de Kutna-Hora, hein, qui ont été exploitées à partir du XIIIe siècle. Et c'est vrai que ça a été un socle important de développement. Et on avait aussi une bourgeoisie très riche, mais donc il y avait des sources de richesses importantes. Ici, on a une église vraiment gothique, hein, donc avec le palais à côté. L'ensemble fait partie du palais du monastère de l'Ordre de Malte, qui s'appelait avant l'Ordre de Saint-Jean de l'Hôpital. Et ici, c'est assez intéressant de voir cette implantation, parce qu'on associe très souvent les ordres religieux militaires donc à la Terre Sainte, aux croisades, etc. Et en fait, les ordres militaires étaient très implantés dans les villes. Et ici, par exemple, ils gardaient l'accès donc de ce côté, de Malastrana, au pont Charles, vers lequel nous allons nous diriger maintenant. Donc c'était pour cette raison que je voulais m'arrêter devant cette façade gothique magnifique, très imposante, hein, avec ces deux tours très massives, très larges et pas si hautes, donc qui donnent vraiment une impression de robustesse. On va descendre tranquillement vers le fleuve, c'est cela, pour pouvoir rejoindre donc de ce quartier de Malastrana, qui est la rive gauche de la rivière, la rive droite, en passant par le pont Charles. Oui. Nous avons avancé dans le quartier de Malastrana avec vous, Héloïse Had et Adela Klinerova. Et nous sommes aux abords du pont Charles. Il faut peut-être expliquer que comme à Budapest, il y a deux villes, Buda et Pest, qui se font face. Ici, il n'y a pas une seule ville de Prague à l'origine, Héloïse Anne. Oui, en effet, il y a quatre villes médiévales. Donc la plus ancienne, c'est la vieille ville qui est de l'autre côté de la rivière. Ici, nous sommes à Malastrana. Alors, Malastrana, c'est une ville qui est née de l'augmentation de la population avec l'arrivée importante d'Allemands dans ce mouvement migratoire de colonisation allemande, comme on l'a appelé. Donc c'était les Allemands de l'Ouest qui venaient, qui étaient à la recherche de terres, qui n'avaient pas de terres chez eux, qui venaient chercher des terres en Europe centrale et orientale à la fin du XIIe siècle. Et donc c'est pour répondre à cette augmentation de la population que le quartier de Malastrana a été créé. Et c'est donc un quartier qui était marqué par une population de marchands et d'artisans. La troisième ville, c'est Hradčany. Donc le quartier du château, et enfin la ville nouvelle, alors qui n'a de nouveau que son nom, puisqu'elle date de 1348 et des grands projets urbanistiques de Charles IV. Alors, toutes ces villes se sont rassemblées pour finir par faire une seule ville, Adela Klinerova. Et comment ça s'est-il passé ? Alors, l'unification de ces quatre villes historiques n'aura lieu qu'en 1784. Donc, depuis ce moment-là, on peut parler d'une ville de Prague unifiée. Et puis, j'ajouterai peut-être en ce qui concerne l'agrandissement de la ville au cours du 19e siècle, qu'elle s'agrandissait à travers des faubourgs qui, eux, ont devenu des villes indépendantes, en fait. Et l'unification de la ville historique de Prague avec ses faubourgs a eu lieu en 1920. En fait, la loi de 1920 a donné la naissance à la Grande Prague, on l'appelle comme ça, Grande Prague, Velká Praha, à partir de 1922. Alors, ici, nous sommes dans un quartier éminemment touristique. Je pense que les auditeurs peuvent l'entendre au nombre de pas de touristes qui nous entourent, mais aussi, on peut décrire ces devantures qui ont tout de devantures touristiques et qui proposent beaucoup de manières de s'alimenter, ici, dans le cœur de la ville de Prague, dans cet endroit de Malastrana. Nous sommes au pied d'une très grande tour dont on se dit il doit y avoir un fond médiéval à cette tour, mais il doit y avoir aussi une néo-médiévalisation qui pourrait ressembler à ce qu'a pu faire Viollet-le-Duc au 19e siècle en France. Est-ce que c'est le cas, en l'occurrence, Adela Klinerova ? Oui, c'est justement le cas. Il y a le fond médiéval qui est évident si on regarde la tour et si on regarde aussi la tour de l'autre côté du pont Charles, qu'on va voir plus tard. Et puis, on y remarque aussi une période renaissance. Et puis, on y voit cette tendance du néo-gothique du 19e siècle. Et ici, à Prague, et en Bohème, le Viollet-le-Duc tchèque, c'était l'architecte Josef Mokre, dont on va parler plusieurs fois pendant notre parcours, parce que c'était l'architecte de la cathédrale aussi. Héloïse Anne ? Oui, je voudrais ajouter que cette réutilisation du Moyen-Âge a joué un rôle très important au moment du renouveau national tchèque, qui est un grand moment au départ culturel, mais qui est devenu très vite politique, qui est un moment de réaction à la germanisation qui avait été commencée après la bataille de la Montagne Blanche en 1620 et qui avait presque vraiment étouffé la culture tchèque. Et la Bohème ayant été un État indépendant, donc duché puis royaume, seulement pendant cette période médiévale, c'est vrai que l'importance de la période médiévale était rehaussée par cette coloration donc politique, étatique. Et donc, demander un État indépendant au XIXe siècle, c'était se mettre dans cette continuité de l'État médiéval qui avait été étouffé. Alors, je vous propose de retenir votre respiration parce que nous allons quitter le quartier de Malastrana et monter sur le pont Charles, empli comme tous les jours ou presque de milliers de personnes. Si parfois nous ne savons pas, quand nous sommes à Prague, si nous sommes devant un bâtiment véritablement gothique ou médiéval ou un bâtiment néo-médiéval. On sait que nous sommes au XXe siècle par ce mélange des sabots des chevaux et des valises à roulettes des touristes qui montent sur les pavés du pont Charles, Héloïse Had et Adèle Klinerova. En l'occurrence, ce pont Charles, il est emblématique de quoi et que nous dit-il sur cette ville médiévale en particulier ? Alors ce pont, il est emblématique du règne de Charles IV, qui est le héros, le tchèque préféré des Tchèques, hein, d'après un sondage récent qui avait été fait en 2005. Donc c'est un souverain qui a vraiment marqué l'histoire locale. Ce pont, il est très important parce que très longtemps, il a été le seul pont qui permettait de relier les deux rives. Et il est emblématique du programme de glorification dynastique de Charles IV. Charles IV, c'était un souverain qui a voulu vraiment glorifier sa dynastie. Donc, lui-même, il était l'héritier à la fois de la dynastie des Luxembourg, mais aussi de la dynastie locale Pchemislide. Et en fait, son père avait eu des problèmes à s'imposer dans le pays. Et donc lui, il a joué vraiment sur cette alliance Pchemislide, donc dynastie locale, tchèque, entre guillemets, et Luxembourg. Et il a développé tout un programme historiographique, urbanistique, etc. Donc ce pont, il fait partie de cette démonstration urbanistique, donc à la glorification vraiment de la dynastie. Il a été construit précisément en 1357. Je dis précisément parce que Charles IV voulait vraiment incarner le roi géomètre, le roi savant. Il était un féru d'astrologie, d'ésotérisme, etc. Et la première pierre avait été posée à un moment stratégique, une date palindrome, donc qui peut se lire dans les deux sens. Alors je ne dis pas de bêtises, donc en 1357, le 9 juillet à 5h31, pour que ça puisse se lire vraiment dans les deux sens. Alors je ne vais pas dire les chiffres individuellement, ce serait trop difficile, vous me croyez. Si vous l'écrivez à la main, 1357, 9 juillet, 5h31. Alors, ce pont Charles donc, est le lien donc, à la fois entre les deux parties de la ville, mais c'est aussi une sorte de lien symbolique entre des dynasties qui n'ont pas grand-chose à voir et qu'il faut accommoder d'une certaine façon entre elles, parce qu'effectivement, il y a une dynastie qui règne ici depuis le 9e siècle, dont on connaît l'importance, et d'autres arrivent postérieurement, et Charles IV doit faire en sorte de les allier, de raconter une histoire à partir de ces deux histoires. Oui, en effet, c'est la grande problématique de Charles IV. Il s'en est très bien sorti. Et donc, Charles a développé tout un programme de généalogie, hein, où il entrelace clairement les deux généalogies. Et il a vraiment récupéré donc cette parenté. Lui-même, il avait été baptisé Venceslas. Il a changé de nom parce qu'il a été éduqué à la cour de France. Il a pris le nom de son parrain Charles IV, qui était roi de France. Donc. Mais donc, il a voulu matérialiser cette parenté de Saint Venceslas. C'est par exemple quand il a fait construire la cathédrale Saint-Guy, il a mis en scène ce lien avec l'édification d'une chapelle à Saint Venceslas, extrêmement décoré. Alors, il y a dans cette histoire une façon de se raconter, vous l'avez dit, Héloïse Had, mais de raconter l'histoire du pays. Vous avez fait votre thèse sur une chronique qui date de ce 14e siècle et qui a été extrêmement importante dans l'histoire de la Bohème, qui tente d'expliquer cette chronique de Dalimil qu'il faut préserver une unité là où les ferments de division sont fréquents, et en particulier par cette pression, cette poussée des Habsbourg qui est toujours aux portes et qui un jour finira peut-être par l'emporter sur les dynasties locales qui gouvernent la Bohème. Oui, en effet, ce texte est très important et il décrit très bien ce contexte. Elle a été écrite, la chronique de Dalimil, elle a été écrite vers 1310. Donc on est en plein dans la crise de succession. Le dernier roi Pchemislide, Venceslas III, a été assassiné en 1306. Les Habsbourg étaient effectivement aux portes, essayaient de s'imposer. Mais Albert Ier de Habsbourg a été assassiné par son neveu, Jean Parricide. Et ça a été ce qui a permis de désenclaver la situation, puisque le nouveau souverain de l'Empire qui a été élu, c'était Henri VII de Luxembourg, a permis, en fait, a ouvert une, comment dire, ça a été une sorte de bol d'air pour la Bohème. Surtout, c'était un moyen de sortir des Habsbourg, de cette pression des Habsbourg. Cette crainte menace de l'encerclement. Oui, exactement. Et donc, Henri VII a incarné cet espoir-là. Et l'idée a été donc d'unir son fils, Jean de Luxembourg, Jean l'Aveugle, à l'héritière Przemyslide, et Elisabeth Eliska Przemysłowna. Et là, je pourrais faire peut-être un lien avec le pont Charles, parce que justement, on n'est pas très loin de la statue qui représente Saint Venceslas. Et bon, donc notre but, ce n'était pas vraiment de parler de l'époque baroque pendant notre parcours, mais c'est, je dirais, inévitable quand on se trouve sur le pont Charles, parce qu'on voit ici un grand nombre, une trentaine de statues, pour la plupart provenant de l'époque baroque, pour la plupart du début du XVIIIe siècle. Donc c'est par exemple le cas de cette statue-là qui représente Saint Venceslas, le patron saint du pays, et c'est sa représentation assez classique, je dirais typique. Il porte la lance et il a une couverture de tête qui rappelle sa position de prince, de duc de Bohème. Et il est surtout en face d'un Christ de l'autre côté de ce même pont. Évidemment, ici sur le pont, toutes les statues en fait sont les statues qui représentent les saints. Et ces statues étaient financées assez souvent aussi par des ordres religieux. Alors on va avancer sur ce pont Charles et avoir peut-être une des plus belles vues que l'on puisse avoir à Prague sur l'ensemble de cette cité des deux côtés du fleuve qui la sépare. Par ce temps magnifique, clair et froid, nous avons avancé sur le pont Charles avec vous, Adela Klinerova, avec vous, Héloïse Had. Et nous arrivons bientôt sur l'autre rive du fleuve, mais il fallait nous arrêter en plein milieu de ce pont pour simplement décrire de loin ce château qui surplombe l'ensemble de la ville de Prague et qui a une importance considérable dans l'histoire à la fois médiévale de la ville et même dans le reste de l'histoire du pays. Oui, en effet. Donc, on a une vue vraiment très très nette hein, de ce château. Donc, la résidence des souverains de la Bohème depuis les tout débuts de l'État, hein, depuis le règne de Bogdivoy, qui est le premier souverain historique attesté, donc au IXe siècle. Et il a subi des phases successives, hein, donc de reconstitution, de restructuration. Et ce qui domine, bien sûr, quand on est ici, quand on le voit du pont, c'est donc cette cathédrale. En ce qui concerne l'architecture du château, c'était la rénovation qui a eu lieu au XVIIIe siècle, à l'époque de l'impératrice Marie-Thérèse. C'était la transformation menée par l'architecte Nicolas Pacassi qui a vraiment unifié les bâtiments du château et qui a donné au château le style architectural unique qu'on voit maintenant. Puis, en ce qui concerne le XIXe siècle, il y a l'achèvement de la cathédrale Saint-Guy qui est très important, évidemment. L'idée de l'achever, la cathédrale Saint-Guy, n'était pas complètement nouvelle au XIXe siècle. Il y avait cette idée déjà au XVIIe siècle. On a même posé la première pierre pour la construction de la partie occidentale. Mais à chaque fois, il y avait un manque du financement. On n'a pas vraiment terminé, voilà. Et puis au XIXe siècle, il y avait une grande discussion dès les années 1840. On a même fondé, c'était très répandu, la fondation des sociétés de ce genre-là. Donc on a fondé une société pour l'achèvement de la cathédrale Saint-Guy. Et puis il y avait successivement trois architectes qui se sont occupés de la reconstruction et de l'achèvement. C'était Joseph Kraner, puis Joseph Mokre, architecte déjà mentionné à propos de Viollet-le-Duc et le néo-gothique. Donc c'était vraiment l'architecte le plus important quant au courant néo-gothique en Bohème. Et le dernier, le troisième architecte, c'était Camille Hilbert, qui a enfin achevé la reconstruction en 1929, ce qui était une date assez symbolique, parce que c'était un millénaire de la mort de Saint Venceslas. On retrouve cette idée de la continuité, hein, du besoin de se rattacher à des racines plus anciennes que cette domination donc autrichienne, hein, dont on veut vraiment se départir. Il y a vraiment un projet, et avec la création donc, de la première république tchécoslovaque, il y avait vraiment ce motif était très très fort, hein, et ça passe donc par les signes, les symboles culturels, effectivement. Alors, on va enfin traverser le fleuve et se retrouver sur l'autre rive, la rive droite du fleuve, donc pour pouvoir continuer cette visite dans le Prague médiéval et néo-médiéval. Nous avons passé le pont Charles et nous sommes du côté de la ville la plus vivante d'une certaine façon par rapport à Malastrana, et on entend derrière nous le passage des tramways. Nous sommes donc devant la tour qui clôt le pont Charles du côté de cette ville de Prague et devant une statue de Charles IV, tout motif qui nous rappelle justement le motif de notre promenade et notre visite avec vous, Adela Klinerova et Héloïse Hadd. Oui, alors justement pour parler de cette tour qui clôt donc le pont, je voudrais juste préciser qu'il fait quand même 515 mètres de long, hein, il est très long. Cette tour, elle est très importante, c'est une tour gothique donc construite par à la demande de Charles IV, et elle est intéressante parce qu'il y a un ensemble de statues et de blasons qui illustrent bien cette stratégie, hein, d'entrelacs des dynasties, des logiques territoriales, etc., dont nous parlions tout à l'heure. Parce qu'en haut, on a donc Saint Sigismond, donc était roi de Bourgogne au VIe siècle et qui incarne donc l'Empire, donc cette tradition impériale. Charles IV était un grand collectionneur de reliques. À côté, on a Saint Adalbert, le saint patron, un des saints patrons de la Bohème. En dessous d'eux, il y a un lion, vous voyez, hein, couché au pied. En dessous, il y a l'aigle de Saint Venceslas. Donc on a le symbole vraiment de la Bohème historique. Et ensuite, on a Charles IV à gauche, Saint-Guy au milieu et Venceslas IV. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette projection donc, de la continuité de la dynastie des Luxembourg. Hein, donc on remonte dans le passé et on a la projection voilà, de la descendance. Et il y a tous ces blasons aussi, à gauche, la vieille ville, le blason de la vieille ville. L'aigle impérial, ouais. Le lion de la Bohème et la Moravie, et ensuite ce sont les blasons, alors là je ne les connais pas, mais de toutes les possessions des dynastiques des Luxembourg. Alors il y a évidemment ce médiévalisme et néo-médiévalisme, parce que cette tour a été évidemment reconstruite très régulièrement et restaurée très régulièrement. Puis devant nous, une magnifique statue de bronze, c'est du bronze ? Oui, c'est un bronze. De Charles IV, Carolo Quarto, donc, qui est placé au pied de cette tour et dans cet endroit un peu stratégique, pourrait-on dire, de la vieille ville de Prague, avec Klinerova. Oui, on est ici sur une petite place qui est marquée justement par la tour du pont Charles et puis par deux façades des églises, dont on va parler un peu plus tard, mais en ce qui concerne ce statut en bronze qui représente Charles IV, l'idée c'était de célébrer 500 ans depuis la fondation de l'université Charles de Prague en 1348. Donc c'est 1848 en l'occurrence. 1848, c'était prévu pour 1848, mais enfin, à cause de la situation politique, la révolution de 1848, on a enfin révélé ce monument en 1851. Et il serait peut-être intéressant de le décrire un petit peu, parce Allez-y. Que la façon dont Charles IV est représenté est intéressante, parce qu'il tient à la main le document fondateur de l'université de Prague. Et puis tout autour, la base architecturale du monument, il y a des statues féminines allégoriques qui représentent quatre facultés de l'université. Donc il y a la faculté de lettres, la faculté de médecine, de théologie et de droit qui est représentée sur le monument. Charles a vraiment voulu se styliser dans un tout autre genre. Hein, donc le roi lettré, le roi géomètre. Et justement, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure au sujet de cette tour qui est très importante, c'est qu'elle était sur la voie royale qui conduisait donc d'un des palais, on va y venir tout à l'heure, jusqu'au château. Hein, donc c'était, et surtout, elle était conçue de telle manière que quand on se plaçait le 21 juin, si on se plaçait devant la tour, là on n'est pas, et dans l'axe de la cathédrale, et d'ailleurs c'est vrai, hein, le dernier rayon de soleil passe de la tour et éclaire vraiment la chapelle de Saint-Guy. Et j'ai déjà vu ça, effectivement, c'est magique. Et on retrouve là donc cet idéal du roi savant, du roi... Qui domine aussi l'univers. C'est parce qu'il y a cette volonté, comme d'ailleurs plus tard chez Rodolphe IV ou chez d'autres, d'avoir auprès de soi l'ensemble de l'univers dans des cabinets de curiosité, parce qu'on est un roi ésotérique, on est un roi qui pense effectivement que l'astronomie a quelque chose à dire au gouvernement des hommes. Tout à fait. Et ça remonte vraiment à Charles IV, qui avait d'ailleurs comme projet de faire de Prague la nouvelle Jérusalem. Et donc il y a un tracé, là on ne peut pas rendre tout ça, parce qu'il faudrait vraiment montrer des cartes et des points, mais il y a une disposition des places, un agencement du tracé, de la disposition des églises aussi, qui est une mathématique, hein, et vraiment c'est cette volonté de connecter le microcosme, macrocosme, de pénétrer les voies impénétrables. Il y a tout ce projet, comme vous disiez, ésotérique, mais qui était considéré comme scientifique, savant. À l'époque. Oui. Vous nous emmenez où maintenant ? Eh bien maintenant, on va aller place de la Vieille Ville. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Alors nous entrons dans le hall d'un bâtiment, Odeoisad. Quel est ce bâtiment ? C'est donc l'hôtel de ville de la Vieille Ville, qui est pour nous très intéressant parce que ici on va arriver à une fresque qui symbolise du coup cette rencontre, cette réutilisation du Moyen-Âge par le renouveau national, tous ces courants du 19e et du 20e siècle. Alors entrons. Alors comme souvent... dans ces bâtiments du 19e siècle, Adela Klinerova, il y a foison de décoration. C'est une mosaïque qui nous couvre donc des quatre côtés de ce rez-de-chaussée d'une tour, visiblement, ou d'une grande entrée. Nous avons devant nous une grande porte de bois de chêne qui nous sépare de la rue. Et nous sommes devant donc cette mosaïque avec des représentations extrêmement figurées de ce qui est la promesse de cette ville de Prague, d'une certaine façon. Oui. Alors, comme on se trouve dans le vestibule de l'hôtel de ville, c'était une commande de la municipalité qui date du début du XXe siècle. On peut voir même la signature de l'artiste Mikolaj Aleš, la date originaire 1904. Parce que cette mosaïque était exécutée d'abord comme une peinture en 1909, et ce n'est qu'aux années 1930 qu'on l'a transformée en mosaïque, mais on a gardé l'iconographie. Et donc, d'un côté, on voit une scène qui est située sur la colline de Vyšehrad. Et on y voit la troupe de la princesse Libouchet, qui est un personnage mythique, un personnage de légende. Et on la voit avec les mains levées prédisant la gloire de la ville de Prague. Et au fond, nous voyons l'ombre de la cathédrale Saint-Guy et du château. Oui, justement, ce qu'on voit au fond, c'est l'imaginaire de la ville de Prague qui est marqué notamment par le château et la cathédrale. Et on y voit aussi la tour et la coupole de l'église baroque Saint-Nicolas de Malastrana. Et en face ? Et en face, c'est assez intéressant, on a une représentation de Prague slave. Donc au milieu de la mosaïque, on voit une figure féminine qui est assise sur le tronc marqué par justement la tour de l'hôtel de ville, de la vieille ville. Et puis de deux côtés, on voit des bâtiments très important de la fin du 19e siècle, des années 1880. D'un côté, c'est le bâtiment du Musée national sur la place Saint-Venceslas, et de l'autre côté, c'est le bâtiment du Théâtre national. Donc, deux bâtiments emblématiques de la ville de Prague de la fin du 19e siècle. Et on y voit aussi la tricolore, en fait, les couleurs qui se répètent sur la mosaïque, c'est surtout le rouge, le blanc et le bleu. Il ne faut pas omettre le plafond aussi, qu'il y a encore une fois la représentation, je dirais peut-être un peu naïve, de Saint-Venceslas, qui porte l'épée et le blason avec lion tchèque. Et on y voit aussi le blason de la ville, de la vieille ville, et le blason agrandi du royaume de Bohême. Oui, parce que cette réutilisation de ce passé médiéval va continuer tout au long du 19e siècle, on l'a dit, mais aussi courir jusqu'à la création de la Tchécoslovaquie moderne. Il y a toujours eu ce rêve médiéval jusqu'au cœur du 20e siècle, lorsque la Tchécoslovaquie moderne se met en place, Héloïse Had, ou pas du tout? Est-ce qu'ensuite, elle est remplacée, cette rêverie médiévale, par autre chose? Non, la rêverie médiévale reste importante. C'est juste que il y a des changements dans les choix des figures qui l'illustrent. Par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment Charles IV qui est la grande figure du Moyen Âge, alors que avant c'était Jan Hus qui dominait l'imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces adorations ou ces mises en exergue jouent des fonctions différentes et correspondent aussi du coup à des phases différentes. Pendant le renouveau national, par exemple, Palatsky lui révérait plutôt Przemysław Ottokar II, qui était un souverain puissant, qui avait accumulé beaucoup de conquêtes. Jan Hus aussi déjà symbolisait le patriote qui avait résisté aux Autrichiens. Pendant le communisme, Jan Hus, il est chargé de tout cet apport révolutionnaire. On y voit un peu les prémices du marxisme. Alors c'est très exagéré, mais voilà, on dépeint ces soldats, ces guerriers hussites en révolutionnaires hostiles à l'establishment de l'époque. Et effectivement, Jan Hus avait un discours très hostile aux institutions, enfin l'institution de son église. Et à la fois, ce qui est intéressant dans la figure de Jan Hus, donc ce prédicateur, ce réformateur, c'est qu'il correspondait aussi, même pendant le communisme, il pouvait incarner aussi d'autres facettes. C'était aussi pour les intellectuels, c'était cet idéal donc de criticisme, de recherche de la vérité. D'ailleurs, il est mort pour ses idées. Donc, c'était aussi la droiture morale contre un État qui était vu comme un État corrompu. Donc, vous voyez, il pouvait jouer des rôles vraiment différents. Et après 89, c'est Charles IV qui s'impose. Et là, on peut le voir aussi, il incarnait le souverain européen à une époque où le nouvel État, donc après la chute du régime communiste, voulait s'insérer donc dans ce concert des nations puissantes, respectables, etc. Donc, il jouait là, pour le coup, un rôle de respectabilité d'un État puissant, d'un État prospère. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le temps fort de l'État tchèque. Donc on a plus tendance encore à aller chercher dans ce réservoir, si on veut faire dire des choses, quelle que soit la couleur, quelle que soit si on veut convoquer les idées européennes ou bien le nationalisme. Charles IV est aussi récupéré par les nationalistes locaux. Par exemple, Tomio Okamura, donc qui est un tchéco-japonais, mais qui s'est illustré dernièrement lors des dernières élections, qui est donc raciste, xénophobe. C'est vraiment un parti comparable au Front National en France, et qui, lors du 14 mai 2016, il y avait un rassemblement sur la place Venceslas pour commémorer le 700e anniversaire de Charles IV. Il a quand même dit, si Charles IV régnait aujourd'hui, il n'y aurait pas de réfugiés ici, parce que les réfugiés, ce sont des parasites dont il faut se méfier, qui saccagent tout, et Charles IV n'aurait jamais toléré qu'ils arrivent sur notre sol. Bien écouté depuis le début, Héloïse Hadd, et en bon élève, je me dis, je suis sur la place de la vieille ville, j'ai tout autour de moi ce qui peut ressembler à une place du marché, des grands hôtels ou des grandes maisons qui ressemblent à des maisons de marchands, et j'ai au-dessus de nous une église, et je me dis, oui, le pouvoir est tout de même à l'église dans cette ville de Prague. Est-ce que c'est plus complexe que cela ? C'est en effet un petit peu plus complexe, mais vous n'êtes pas très loin. Donc nous sommes place de la Vieille Ville, et la Vieille Ville, c'était la ville une ville donc dominée par la bourgeoisie, et une bourgeoisie, il faut le préciser, majoritairement allemande, disons jusqu'au 15e siècle. Et cette église, elle a la particularité que c'est vraiment une église qui a été construite par la bourgeoisie locale, avec l'idée qu'avoir son église, vous voyez, c'est pas l'église qui viendrait avec son pouvoir écraser la population, mais c'est la population qui se dote de sa propre église. Et c'était une population extrêmement riche, les bourgeois de la vieille ville. C'était vraiment le réservoir des rois de Bohème. Hein. Jean a énormément emprunté, Venceslas II avant lui aussi. Hein. À la bourgeoisie locale, de cette vieille ville. Et donc cette façade impressionnante avec tous ces petits clochetons. Alors il faut le décrire, et, oui, deux tours qui sont d'ailleurs de grosseur et des grandeurs inégales, oui, qui sont plus larges pour celle de droite que celle de gauche, et qui sont surtout surmontées par ce qui pourrait paraître comme étant des clochetons sortis d'un conte de Walt Disney. Oui, c'est vrai qu'on se croirait presque à Disneyland, là, pour le coup. Et donc, cette église, elle est gothique, elle date du 14e siècle. Avant, il y avait une autre église qui avait été en partie détruite, et donc la population, la bourgeoisie de la ville, s'est dotée de cette nouvelle église. Et elle est importante parce qu'elle est devenue petit à petit l'église du hussitisme. C'est là que prêchait, d'ailleurs il officiait ici, Konrad Waldhauser. C'était un prédicateur donc de la pré-réforme, hein, donc il a commencé à prêcher ici à s'occuper de l'église en 1365. Et puis après, petit à petit, c'est devenu vraiment le centre du culte hussite. Et un culte qui, tout en étant catholique, n'est plus vraiment aussi catholique que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez parlé de pré-réforme, c'est-à-dire que c'est déjà une critique de l'Église romaine telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle domine l'ensemble de la chrétienté. Oui, oui, oui. En effet, Jean Hus, c'est le fil conducteur entre les thèses de Wycliffe, hein, qui est aussi un pré-réformateur anglais, donc, qui avait été interdit, Jan Hus. Effectivement, il met l'accent donc, sur... Déjà, il y a l'exigence de la communion sous les deux espèces, hein, qu'on retrouve chez Luther, l'autorité de la Bible, parce que jusque-là, au Moyen-Âge, on ne prêchait plus à partir des textes, du texte originel de la Bible, mais à partir d'un certain nombre de textes qui étaient autorisés et donc qui faisaient que les croyants n'avaient plus accès au texte, directement au texte sacré. Et aussi l'exigence de pauvreté. Donc il y avait toute cette critique de l'enrichissement des dignitaires de l'Église. Et donc on retrouve vraiment tous les ingrédients qui font le luthéranisme après. Et enfin, il y a aussi toute la question des indulgences. On rejette l'existence du purgatoire et l'enfer pour les péchés mortels. Et donc on est vraiment dans toute cette rhétorique, cette phraséologie de la réforme. Et une phraséologie de la réforme qui aura du succès aussi au XIXe siècle. Cette place de la vieille ville a été parée un peu plus tard que le XIXe siècle d'une immense statue, d'un immense groupe sculpté des Lacliné romains qui rappelle effectivement qui était Jean Hus et pourquoi il peut être considéré comme une sorte de réformateur de l'église bohémienne, de l'église de Prague et de Bohême. Alors, ce monument à Janus s'attache encore au XIXe siècle. Il y avait le premier concours pour le monument encore à la fin du siècle, le deuxième enfin au tournant du siècle. Et on a finalement inauguré ce monument en 1915, 500 ans après la mort de Janus à Constance. Et l'auteur de ce monument... Parce qu'il faut rappeler qu'il a été brûlé donc, Constance, effectivement. Et ce monument donc, est très impressionnant. Il fait, avec la figure de Jean Hus, une dizaine de mètres de haut. Et il prend une bonne partie de cette place de la vieille ville. Oui, c'est un monument qui est très symbolique. D'ailleurs, son auteur, Ladislav Chaloun, représentait le courant de symbolisme dans la sculpture. Et comme vous l'avez mentionné, c'est la figure de Jean Hus qui est la plus importante, qui est très, très haute et qui est aussi très, très idéalisée. Parce que c'est vraiment une vision idéalisée de l'allure du maître Jean Hus. Et à la base de ce monument, on voit encore de groupes de personnages. D'un côté, c'est effectivement des Hussites. Et puis de l'autre côté, c'est des figures qui représentent plutôt la nation opprimée, en fait. Donc ça évoque l'époque après la bataille à la Montagne Blanche. Donc en fait, au XIXe siècle, il y avait souvent ce dualisme, quand on évoquait des époques historiques, le dualisme entre l'époque médiévale qui était plutôt célébrée par le XIXe siècle et l'époque après 1620 qui était compris comme l'oppression de la nation. Et que donc la contestation se fait aussi par la religion. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi. Inversement, quand une contestation se fait, elle passe. Alors le pouvoir utilise la religion et la contestation, comme c'est un enjeu de pouvoir, utilise aussi cette religion pour faire passer des messages, une critique. Une nuit froide et glacée est en train de tomber sur nous et sur Prague et sur cette place Venceslas où se réunissaient en novembre 1989 ceux qui faisaient la révolution de velours. Une longue, longue place, très peu large, mais qui est en déclivité puisqu'elle monte vers un bâtiment dont on va parler avec vous deux, avec vous Héloïse Had et avec vous Adela Klinerova. Pour conclure notre visite dans le Prague médiéval et néo-médiéval, donc une place, pourrait-on dire, classique des nouvelles places du 19e siècle, avec des façades 19e et 20e siècle, mais qui néanmoins n'oublie pas cette vieille histoire de Prague. Oui, en effet, donc la place Venceslas s'inscrit dans le projet urbanistique de Charles IV, pour parler encore une fois de ce roi qui a vraiment marqué la fin du Moyen-Âge, et la géographie et l'urbanisme de Prague. Et donc cette place, si les façades sont toutes effectivement du 19e ou du 20e siècle, le tracé de la place date donc de 1348 et de ce grand projet d'agrandissement de la ville de Prague, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'était en réponse là aussi à une augmentation de la population importante que le roi Charles IV a décidé de créer ce grand quartier qui augmentait de presque du double la superficie de la ville de Prague et qui devait lui servir aussi à mettre en place cette géographie, cette symbolique de la Jérusalem terrestre. Et donc ici, il avait tout un dispositif de place avec chaque. Donc il y avait toute une vision aussi d'organisation d'espace social. Chaque place avait une fonction. La place Venceslas, c'était la place du marché aux chevaux. La place Charles, c'était la place du marché aux bestiaux. La place Senovagenet, qui est un peu plus loin par ici, c'était la place c'était le marché au foin. Donc chaque place avait sa fonction. Et ce qui est intéressant dans le tracé aussi, c'est que ces places, vous voyez, elles sont articulées. Je peux pas le montrer, mais il y avait toute une symbolique. Vraiment, ça fait une flèche en direction. Là, on est. Si on regarde vers le bas de la place Venceslas, on va en direction du château et les deux places adjacentes faisaient vraiment une sorte de flèche. Hein. Vraiment, on a cette forme en triangle avec la pointe donc vers le château et le bras de la flèche hein, qui va vers vers le musée national. Donc une place importante qui structure la ville nouvelle du Moyen Âge et qui structure aussi la ville moderne de Prague. Ce que vous êtes en train de nous dire, tout compte fait, c'est que là où on voit et moi je vois une place 19e et 20e siècle, il faut y voir, comme dans, là aussi encore dans un palimpseste, une place médiévale qui était tellement moderne pour son époque, d'une certaine façon, qu'elle a pu être reprise telle quelle par les urbanistes du 19e et du 20e siècle. Oui, exactement. Et reprise aussi pour symboliser donc, Saint Wenceslas, hein, donc ce héros fédérateur, ce saint patron. Et alors, on y voit une statue équestre du sang, mais il n'est pas tout seul, il est accompagné par quatre autres figures qui représentent les saints patrons du pays. Il y a notamment Saint Adalbert, Saint Procope, Saint Agnès de Bohême et Sainte Ludmilla. Si on mentionne les relations familiales, Sainte Ludmilla, c'est la grand-mère de Saint Wenceslas. Et au-dessus de cette place, le grand bâtiment qui domine et qui clôt cette place au loin, c'est un bâtiment à coupole et à colonnes gigantesques. Et on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière tellement il est grand. Qu'est-ce ? Qui est le musée national, un bâtiment vraiment emblématique qui domine la place Wenceslas, le bâtiment de la fin du 19e siècle. Et on ne voit pas ce qui est derrière, on ne voit pas ce qui est à l'intérieur, mais j'aimerais bien quand même mentionner qu'à l'intérieur, sous cette coupole monumentale, il y a l'espace du Panthéon. Donc l'espace solennel est très important pour évoquer les personnages importants de l'histoire du pays, notamment à travers des statues et des bustes. Il nous faut maintenant nous arrêter. Merci beaucoup Héloïse Anne et merci Adela Klinerova. Merci à vous. Demain, nous continuons et nous terminons cette série d'émissions consacrée à l'histoire de l'Europe centrale. Nous essaierons de comprendre pourquoi il y a aujourd'hui en Europe centrale et orientale certaines résurgences du passé et certaines nostalgies centre-européennes.